une poule avait pour habitude. Conte animalier africain de tradition orale, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Une poule avait pour habitude de descendre chaque jour au bord de la rivière afin d'y chercher de la nourriture. Un crocodile la regardait, l'estomac envieux de la voir si grassouillette. Un jour, le crocodile vient près d'elle et menace de la manger. Mais la poule s'écrie « Frère, ô mon frère, ne faites pas cela !» Le crocodile en est si troublé qu'il s'en va, pensant bien qu'il pouvait être le frère de la poule. Chaque matin, il revient près de la rivière, bien décidé à faire de la poule son repas. Chaque matin, la poule se met à crier « Frère, ô mon frère, ne faites pas cela !» Et le crocodile s'en va, en maudissant la poule. « Comment puis-je donc être le frère de cette poule ?» se demande un jour le crocodile. « Elle vit sur la terre, et moi je vis dans l'eau. Elle est dodue, et moi je ne suis qu'un sac d'os. Je vais aller voir mon ami Mbambi, afin de l'interroger et régler une fois pour toutes la question. » Le crocodile se met en route. Il n'était pas bien encore loin quand il rencontre son ami Mbambi, une sorte d'immense lézard. « Mbambi, lui dit-il, je suis très troublé. Tous les jours, une poule grasse vient au fleuve pour manger. Chaque jour, quand je veux la saisir et l'emporter chez moi pour la manger, elle m'effraye et m'appelle son frère. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps, et j'allais trouver Mbambi pour tenir une palabre avec lui. « Oh, tu n'es qu'un sot !» répondit Mbambi. « Tu ne dois rien faire de tout cela, car autrement, tu perdrais tes paroles et tu montrerais que tu es un ignorant. Ne sais-tu pas, mon cher crocodile, que les canards vivent dans l'eau et pondent des œufs, et que les tortues font de même? Moi aussi, d'ailleurs, je ponds des œufs, tout comme les poules. Et toi, mon stupide ami, que fais-tu donc? Nous sommes donc tous frères, dans un certain sens. C'est pour cette raison que les crocodiles ne mangent pas les poules. »